vas goûter la poussière qu'il y a sur les chemins. Chemin de cailloux, de terre, les fous le camp aussi loin. Que t'en oublies jusqu'à ton père, ta mère et tes cousins. Embrasse-les sans être fier, va bâtir de tes mains ta vie d'homme. Surtout n'oublie jamais l'accent des gens de par chez nous. Mais aujourd'hui, si tu veux vivre, faut sortir de ton trou. Comme les oiseaux quittent le nid et s'envolent un jour. Tes parents ont fait de leur mieux, maintenant c'est à ton tour d'être un homme. Droit devant tu iras, comme tant de marins, de paysans avant toi. Un matin tu reviendras, et alors tu seras un homme comme les autres, c'est tout. Un homme comme les autres, ce sera déjà beaucoup. Petit, n'écoute pas tous ceux qui diront fais pas ça. Quand tu seras dans la galère, à nous tu penseras. Ceux-là ne connaîtront jamais que le bistrot du coin, où l'on raconte les histoires que ramènent les copains. Pauvre femme, droit devant tu iras, comme tant de marins, de paysans avant toi. Un matin tu reviendras, et alors tu seras un homme comme les autres, c'est tout. Un homme comme les autres, ce sera déjà beaucoup. Tu sais qu'elles sont jolies, et toi aussi un jour. Tu chaufferas la couche d'une fille, tu apprendras l'amour. Droit devant tu iras, comme tant de marins, de paysans avant toi. Un matin tu reviendras, et alors tu seras un homme comme les autres, c'est tout. Un homme comme les autres, ce sera déjà...